La voie centrale est marquée par une ligne continue du côté gauche. Cela signifie qu'aucun usager ne peut se présenter en sens inverse sur cette voie. D'autre part, il n'y a pas de flèche de rabattement sur cette voie, ce qui signifie que la ligne continue se poursuit même après le virage. Je peux donc continuer le dépassement. Réponse